Feel the Sound. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. That's right. Dance floor. Standing on a lonely road, take a breath, waiting for a sign. Something that would give me hope, cause the curves make me feel so fine. Oh, I won't stop, my dreams are about you, and I don't wanna wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest of the night. Là, debout, en pleine forme. Ou presque, c'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, on est en direct, il est 7h pile. 7h-10h le week-end, le samedi et le dimanche, c'est que du fun avec David et c'est moi, il y a Kaufman aussi, ça va? Oui, bonjour, bah écoute, ça va. C'est quoi cette petite voix, Kaufman? Bah écoute, on arrive, hein, on est en direct, 7h, faut le temps que les choses et les voix surtout s'installent, on est là jusqu'à 10h pour le meilleur de l'information. Évidemment, également des nouveautés jeux vidéo dont on va parler, on va râler, on va lever dans quelques secondes. On vous fera aussi gagner des cadeaux parce que c'est notre but, vous faire plaisir chaque week-end. On se réveille lentement, doucement, mais sûrement. Avec le sourire, avec la banane. Effectivement, en parlant de cadeaux, il y a la grande box Fun Radio qui change à partir d'aujourd'hui. Avant, on appelait au hasard en Belgique. Maintenant, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook C'est que du fun. Vous envoyez votre numéro de téléphone en privé. Et avant 10h, on appelle quelqu'un pour gagner la grande box Fun Radio. La grande box Fun Radio, elle contient pour le moment 4 places pour le parc Astérix, des goodies jeux vidéo donnés par Kaufman et Smart Toys, 2 places de cinéma et une journée détente au terme Grimbergen pour 2 personnes. Il faut que je rajoute quelque chose à cette box, hein, normal, comme tous les samedis matins. Je vais donc rajouter 2 places pour Astérix en plus. Eh ben c'est pas mal, on peut y aller en famille. Un parc qui va plaire aux petits comme aux grands. Ouais. Si vous avez envie de vous inscrire, vous rejoignez C'est que du fun, la page sur Facebook, vous envoyez un petit message privé contenant bah, évidemment votre numéro de téléphone, votre nom, votre prénom. Et peut-être que oui, vous aurez la chance qu'on vous appelle avant 10h. Et là, vous décrochez, vous répondez à une simple question. Qui vous offre le plus de cadeaux? Vous répondez Fun Radio et l'affaire est dans le sac. Effectivement, et c'est très important. Là, on va prendre vraiment un numéro sur la page Facebook C'est que du fun. Donc allez-y, hein, page Facebook C'est que du fun. Vous envoyez votre numéro en privé. On va choisir parmi ces numéros. On va plus prendre au hasard. On choisit sur la page Facebook maintenant. C'est que du fun. Dans quelques minutes, le Saral Salov. Kaufman, tu vas râler sur quoi? Écoute, je vais râler sur Sophie d'avant qui est sur la sellette. Elle est sur la sellette, elle? Ah bah oui, elle est sur la sellette et ça me fait pas plaisir, donc okay. Je vais râler. On va découvrir ça juste après le journal des bonnes nouvelles sur Fun Radio. Bonjour à tous. Après une semaine qui a débuté par une mauvaise nouvelle dans le monde de l'emploi, place à une note un peu plus positive. La compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair va recruter plus de 3500 collaborateurs en 2017. Ryanair a besoin de collaborateurs supplémentaires car elle va ouvrir 50 nouvelles lignes aériennes d'ici un an. La compagnie veut notamment recruter 2000 membres de personnel de cabine et 1000 pilotes. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, environ 300 travailleurs du cadre actuel vont bénéficier d'une promotion. Au cours des 5 prochaines années, Ryanair prévoit également d'embaucher 5000 nouveaux collaborateurs. D'ici là, la flotte passera de 355 à 500 avions. La compagnie a connu une hausse de 13% de son nombre de passagers par rapport à l'an dernier. Autre conséquence heureuse, le prix des billets devrait chuter d'une dizaine de pourcents. C'est donc le moment idéal pour réserver un vol aux tarifs les plus bas avec Ryanair. Tous les clients souhaitant réserver leurs vacances d'été 2017 sont donc invités à le faire dès à présent. Les batteries actuelles de nos appareils électroniques sont composées de lithium composé trempé dans un liquide qui favorise la circulation des ions et donc la décharge et la recharge de la batterie. Le lithium est un métal qui fait le job, mais il se détériore dans le temps à cause des variations de température des objets utilisés. Une étudiante de Californie a remplacé le lithium par de l'or et remplacé également, mais accidentellement semble-t-il, le liquide par un gel. Les nanofils s'en sont trouvés fortifiés. La batterie testée a ainsi pu supporter quelques 200 000 cycles de charge au lieu de 7 000 maximum réalisables actuellement, soit une durée de vie estimée à près de 4 siècles. Évidemment, si le prototype fournit des résultats époustouflants, il faudra le temps avant de voir s'il sera développé, voire même distribué dans le commerce. Mais regardez donc ces piles usagées que les plus respectueux d'entre vous entassent dans un coin pour aller les faire recycler et penser que la pollution due à l'opération pourrait se réduire de façon considérable. Les commerces à se retrouver en fin de journée avec des produits parfaitement consommables mais invendus sont très nombreux. Autant d'aliments qui doivent être jetés car impossible à resservir le lendemain. Résultat, les commerces de distribution gaspillent chaque année 2,3 millions de tonnes de nourriture et la restauration un peu plus d'un million et demi. Pour lutter contre ce gâchis, un groupe d'amis expatriés au Danemark a eu une brillante idée, créer une application où les consommateurs pourraient voir les invendus des commerces et les acheter à petit prix. Sur l'application, on peut vérifier en un coup d'œil les portions disponibles dans son quartier ainsi que les horaires de passage disponibles. Il suffit ensuite de payer en ligne et de se présenter chez les commerçants avec de préférence son Tupperware sous le bras. Pour financer son projet, la start-up prélève une commission fixe d'un euro par transaction sur les sommes qu'elle reverse ensuite aux commerçants. Prochaine étape, la Suisse, l'Italie, l'Autriche et la Suède et pourquoi pas bientôt chez nous. Avant de vous retrouver dans une heure pour la prochaine édition de ce journal des bonnes nouvelles, on va terminer avec un point sur la météo prévue pour ce week-end pour vous dire que le temps sera variable avec parfois quelques averses. Il fera toutefois majoritairement sec et le ciel se partagera entre les éclaircies et des périodes un peu plus sombres. Côté thermomètre, il baissera progressivement pour se fixer entre 9 et 13 degrés à partir de ce dimanche. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin, 'cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into your ocean. Tout le monde sur Fun Radio dans quelques secondes. C'est le nouveau son des Daft Punk. Tu l'as déjà écouté ou pas, Kaufman, le nouveau son des Daft Punk? Oui, avec The Weeknd. C'est plutôt bien fait. C'est du son dance floor qu'on aime écouter même dès le matin. Ouais, ça arrive dans quelques secondes. Mais là, on va râler et lover. On regarde toute l'actualité chaque semaine et le samedi. On vous rapporte ce qu'on a aimé et ce qu'on a détesté. Dites-nous au 30-44, 50 centimes par message. Si vous êtes d'accord avec nous, qu'est-ce que vous a fait râler cette semaine? Qu'est-ce que vous a fait lover? Et on va commencer. Tu veux commencer par ton love ou tout râle, Kaufman? Écoute, moi j'aime bien lover le samedi matin parce que ça me met de bonne humeur. Et je vais vous parler d'une histoire plutôt très sympathique. Ben Stiller, qui est guéri, en effet, l'acteur américain avait annoncé il y a 2 ans qu'il avait un cancer. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer de la prostate. Ouais. Aujourd'hui, l'acteur à l'affiche notamment qu'on a pu retrouver dans Zoolander ou encore La vie rêvée de Walter Mitty est guéri. Il souhaite parler de sa maladie pour sensibiliser et inciter tous les hommes à se faire dépister, même avant l'âge conseillé de 50 ans. Okay. Donc c'est plutôt un beau message et ça fait plaisir de le voir de retour en pleine forme. Tu t'es fait dépister toi ou pas, Kaufman? T'arrives bientôt à l'âge de 50 ans. Et écoute, je vais penser à le faire, mais c'est surtout la manière de le faire qui me fait un peu peur. Pourquoi? Ah bah ça se voit que tu sais pas comment on... Non, jamais fait. D'accord, bah je te le ferai pendant la pause, tu me diras si ou non c'est bien ou c'est pas bien. Quel enflure. Moi j'ai décidé de râler, Kaufman, parce que les polices fédérales et locales ont verbalisé plus de 24 000 conducteurs à l'occasion de la 6e édition du marathon des contrôles contre la vitesse excessive. Tu as été au courant de ça ou pas? Bien sûr. Ouais, c'était lundi et mardi, ouais. Et ils ont contrôlé à mort les policiers. Et là ils ont dressé 23 911 procès-verbaux au moyen de radars mobiles et 4 400 à l'aide de contrôle par radar fixe. C'est quand même un marathon à la con, hein, je préfère le dire, honnêtement. L'argent est rentré dans les caisses. Ouais, ok, mais pourquoi organiser un marathon? Genre, toute l'année, vous avez le droit, il n'y a personne quasiment qui vous contrôle, mais là, pendant 2 jours, les gars, c'est marathon des radars, c'est parti. On va flasher à tout va. C'est n'importe quoi ce marathon. Bah, c'est les policiers, eux aussi, ont le droit de courir et d'avoir leur petit marathon. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Mais non, mais je préfère qu'ils soient efficaces toute l'année. Je suis pour les radars. Très honnêtement, je suis pour les radars. Il en faut des radars pour contrôler la vitesse. Mais organiser un marathon, genre, pendant 2 jours, on va flasher tout le monde. Puis après on va être un peu plus cool. Non bah non, être autant, faut être strict toute l'année, tu vois, c'est normal, Kaufman, non? Oui, bah on va t'inviter dans un autre pays du monde si t'es pas content en Belgique, hein. D'accord, c'est gentil, Kaufman. Dans quelques minutes on part sur le web, destination web. Oui, on vous parlera d'un phénomène étrange et qui pourtant existe. On vous parlera du payé par selfie. Bah oui, les photos ne servent pas qu'à se montrer sur le web, elles serviront bientôt à vos paiements. On est là jusqu'à 10h, merci la famille de nous suivre. Voici The Weeknd et des Daft Punk avec Starboy sur Fun Radio. I'm tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. If I kill any pain, look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster. I don't really listen. I'm in the blue moon song, bumping new edition.

Merci d'être avec nous sur Fun Radio le samedi, le dimanche en direct. 7h-10h, c'est que du fun. Et le son dance floor continue avec Dimitri Vegas et Like Mike. Et on prend nos ailes, on s'envole, destination le web. Et oui, chaque samedi, chaque dimanche, on vous rapporte l'essentiel de l'actualité du web, de la technologie. On aime s'intéresser justement aux nouvelles technologies. Et là, on va parler du nouveau phénomène payé par selfie. Ça avait déjà été annoncé, hein, donc c'est pas une toute nouveauté. Toute moi, je connais pas. Hein. Et en fait, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste au fait qu'un détenteur d'une carte de crédit, Mastercard en l'occurrence, eh bien, pourra valider un paiement sur son mobile non plus en intro. Produisait un code, mais soit en scannant l'empreinte digitale de son smartphone, et plus intéressant, et c'est là qu'on va rigoler, soit via la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on mettra son téléphone devant soi comme pour prendre un selfie, et le paiement sera validé. Ah ouais. La technologie devrait débarquer très bientôt, puisqu'elle a déjà été testée aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Canada, donc c'est vraiment quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. À imaginer au supermarché, je vais payer à la caisse, attendez mademoiselle, je vais valider mon paiement et je prends mon petit selfie. Ça va donner des scènes assez cocasses à mon avis. Donc on va tous voir les gens là à la caisse avec leur téléphone en train de faire des selfies. Moi je trouve ça pas très bien, moi. Je préfère mettre le code de la carte, c'est beaucoup mieux. Maintenant, j'ai vu aussi que Apple, il faisait directement avec le smartphone. Tu posais ton smartphone sur un boîtier, une sorte de boîtier, et ça payait directement. Ouais. Faut mieux pas se faire chourer quand même le téléphone, sinon c'est dans la merde. Hein. J'allais justement de demander de me prêter son téléphone, mais bon. Non, ça va aller, Kaufman. Vraiment. Dans quelques minutes, on va s'intéresser au sport. T'as regardé le match des Belges hier? Bien sûr, la victoire des Belges. La victoire des Belges, effectivement, contre la Bosnie. Ils vont rejouer dans deux jours, je crois, deux, trois jours. Lundi. Contre Gibraltar. Lundi, je pense, ouais. Ouais, c'est à Gibraltar, on va parier sur les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Les Belges sont bien partis, vraiment une victoire 4-0 hein, si je me trompe pas, Kaufman. Premier en tête du groupe avec la Grèce qui elle a gagné 2-0. Effectivement, on va parler de tout ça juste après Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. European. 25. Découvrez le classement des plus gros tubes dance. Dans l'Eurodance 25 sur Fun Radio. Numéro 8. Chaque dimanche, de 18h à 20h, Nico C vous mixe le classement des 25 tubes dance électro qui font bouger toute l'Europe. C'est Eurodance 25. Le classement européen de référence sur Fun Radio. Le son dance floor. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ah, ça fait drôle, hein? Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que tu viens chez moi. Ouais, je suis curieuse. Vas-y, rentre. Donc ça, c'est mon salon. Ouais. Et là, c'est le nouveau fauteuil que je viens d'acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est très... Bon, je te sers quelque chose à boire? Oui. Voilà, on va faire ça. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, les fromages ne sentent pas mauvais. Ils ont du caractère. Sentez-moi ça. Quel caractère. Et puis, quand on boit dans la publicité, on fait... Oui, parce que les boissons sont beaucoup plus désaltérantes. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Are you ready? Fun Radio et Legends présentent pour la première fois à Asselt le DJ Superstar Fun Radio, David Guetta. Salut, c'est David Guetta. 15 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016 au Etias Arena à Asselt. David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016, un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets, téléticketservice.be et funradio.be. Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm born so. Taking my time on my ride. Taking

New music, découverte Fun Radio. C'est une nouveauté Fun Radio Tov Lo avec Cool Girl. You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future. If I knew how to put it romantic, speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it, let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free, yeah. I wanna be free like you. I'm a cool girl, I'm a cool girl. Ice cold, I roll my eyes at you. You don't like, but you still wanna keep 'em. Said you were fine, so for whatever reason. Sure, we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it, let's keep it fun. Dans quelques secondes, c'est Chill Codes qui débarque sur Fun Radio. Et là, on va s'intéresser au sport. Kaufmann Paris chaque semaine, hein. Exact. Chaque week-end. T'es encore prêt, Kaufmann? Bien sûr. Il est au taquet, les qualifications Europe pour la Coupe du Monde. On va faire les matchs d'aujourd'hui, parce qu'il y a encore des matchs, hein, aujourd'hui. On va prendre Angleterre contre Malte. La victoire de l'Angleterre, 1.01. Donc assez, ça rapporte rien, quoi, en gros. Le match est nul, 18. Victoire de Malte, 40. L'Angleterre. Ça rapporte zéro, hein, quasiment. Hein. Bah écoute, je vais pas parier et perdre mon argent pour te faire plaisir. Non plus. C'est vrai. Deuxième match, Pologne contre Danemark. C'est un petit peu plus serré. Victoire de la Pologne, côté à 2. Match nul, 3.3. Victoire du Danemark, 3.7. Pologne. Victoire de la Pologne. Ouais. Ok, on va prendre un match qui nous intéresse, Gibraltar-Belgique. Bon, je sais déjà ta réponse, hein, mais bon, je le fais juste pour le fun. Hein. Victoire de Gibraltar, 35. Match nul, 16. Victoire de la Belgique, 1.05. Belgique. On va prendre encore un autre match, là. J'ai envie d'avoir ton avis sur Albanie-Espagne. Match serré, hein, puisque l'Albanie est devant, au classement devant l'Espagne. Hein. Ils sont premiers du groupe, l'Albanie. Victoire de l'Albanie, 9. Match nul, 4.8. Victoire de l'Espagne, 1.3. Espagne. Pour toi, victoire de l'Espagne. Hein, bah, alors oui, que l'Espagne sont

Quel plaisir d'être avec vous le week-end, le samedi, dimanche, 7h-10h, c'est que du fun. Le son dance floor continue avec Félix Jen. Et vous pouvez encore vous inscrire pour la grande box Fun Radio. Ça se passe sur la page Facebook C'est que du fun. Comment on fait Kaufman une fois arrivé sur la page? Bah, vous tapez C'est que du fun sur Facebook, comme tu viens de le dire. Vous nous envoyez un petit message privé. Vous marquez, nous contactez ou message privé sur Facebook. Et là, vous nous laissez un petit message avec votre numéro de téléphone, votre nom, votre prénom. Et on vous appelle peut-être avant 10h en numéro privé. Je tiens à le signaler. Comme ça, au moins, vous gardez toutes les chances de décrocher. Même si c'est un numéro privé, vous répondez à la question qui vous offre le plus de cadeaux. Vous répondez Fun Radio. Et à vous, le coffre cadeau, celui qui contient à la fois des thés, des places pour aller vous détendre. Comme ça, tranquille, détendu. Une journée au terme de Grimbergen. Des places pour aller au parc Astérix. Des goodies. Jeux vidéo. Bref, on a mis les petits plats dans les grands, sortis les couverts en argent. À vous de jouer. Vous allez sur la page C'est que du fun. Vous nous envoyez un petit message privé et le tour est joué, mes amis. Ouais, effectivement. Il y a Sandrine qui nous a envoyé un message. Maxime, Marc, Harmonie, Philippe, Cécile, Damien, Jérémy, Dorothée, Mike, Kim, Franck, Chantal. Voilà, entre autres. Hein, je prends vraiment entre autres. Je prends pas tout le monde, sinon j'en ai pour toute l'émission. Voilà, allez-y. Allez sur la page C'est que du fun. Envoyez votre numéro de téléphone et votre prénom. Allez-y. Hein, envoyez ça sur la page. C'est que du fun, avant 10h, on va appeler quelqu'un. Pour la suite de l'émission, ça va se passer avec le Fun Game, Kaufman. Oui, on vous parlera d'une véritable révolution qui est en train de se produire dans l'e-sport. Et on parlera aussi de Benoît Poulvord qui a totalement dérapé cette semaine. On en parle de tout ça juste après Félix Jen sur Fun Radio. Comment ? Tous les samedis, fun. 18h à 20h, c'est la Fun List. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List. Yann sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Comment bien manger quand... On a très envie de gibier. Ouh là là, le gibier, c'est très difficile à attraper, ça. Oui, mais c'est très facile à cuisiner. Le gibier chez Deleuze est 100% sauvage et européen. Une viande d'une traçabilité irréprochable et toujours 100% fraîche puisque jamais congelée. Bref, de vraies saveurs d'automne en provenance directe du bois. Et les prix d'automne? Ils tombent comme les feuilles? Absolument. Jusqu'au 12 octobre, chez Deleuze, le steak de biche est à moins 15%. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Tu as entre 17 et 29 ans? La sécurité routière te tient à cœur? Tu as envie de rejoindre l'équipe des Responsible Young Drivers? Tu désires participer à de nombreux événements pour changer les mentalités et au passage sauver des vies? Alors rejoins-nous vite sur ryd.be. Pour qu'on te présente toute l'équipe des bénévoles. C'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Words, I can hear the whispers about me. Around me, hurt. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Yeah.

Il est 8h, bon réveil les amis, le son continue avec Feder. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et oui, on parle jeux vidéo, hein, chaque samedi, chaque dimanche, vous le savez, on vous donne le condensé de l'actualité vidéoludique de la semaine. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est de l'e-sport ? De l'e-sport ? Oui. C'est du sport en ligne ? Bah, c'est en fait, tu te mets derrière une console de jeu vidéo ou un PC et tu joues contre d'autres adversaires en ligne, effectivement, ou en local. Et donc, il y a FIFA qui fait ça, non? Oui, il y a par exemple FIFA qui le fait. Mais l'e-sport se veut évidemment ambitieux. Tu joues à un assez haut niveau. Okay. Et donc, il y a des compétitions, des équipes pro qui se créent autour de ce phénomène-là. Et devine quoi, les équipes sportives, depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, acquièrent de plus en plus d'équipes d'e-sport. Ça a été le cas, par exemple, des Dodgers de Los Angeles, donc une équipe aux États-Unis qui est la Team Liquid, qui est une très très bonne team d'e-sport. Ça a été aussi le cas des Sixers de Philadelphie qui ont acheté deux équipes d'e-sport. Mais là, plus proche de nous, c'est le PSG qui vient d'investir massivement dans l'e-sport. Ils ont fait un partenariat avec une grosse équipe d'e-sport via l'intermédiaire de Webedia. Et ils ont annoncé clairement leurs intentions, c'est de marquer les esprits au niveau de l'e-sport. Peut-être qu'ils feront mieux qu'en championnat, c'est certain. Mais ils payent ou ils font comment? Ah bah, c'est-à-dire qu'ils acquièrent les meilleurs joueurs. Ça s'achète? Ah oui, ça s'achète. Ok, très bien, c'est une question d'argent. Oui, c'est une question d'argent. Et ils se feront aider par l'équipe Millennium, qui est un peu la référence dans le milieu de l'e-sport en Europe. Et les informations concernant ces nouveaux partenariats commencent à affluer, si bien que tu parlais de FIFA, ils ont acquis les meilleurs joueurs de FIFA, les envoient déjà sur le terrain, et le PSG est donc maintenant présent dans l'e-sport. Les précurseurs en la matière jusqu'à présent, c'était les Anglais, mais là les Français viennent de mettre un petit coup d'accélérateur via l'intermédiaire du PSG. Viens, on se présente tous les deux, Kaufman, pour un club en Belgique. On prend un club en Belgique, on se présente tous les deux. Tu veux jouer avec moi ou pas? Écoute, je veux bien jouer, mais sans toi. Quelques minutes, le Saral. Salope, là tu vas nous parler de Sophie d'avant. Hein, oui, là je reparlerai de Sophie d'avant. La pauvre, elle est sur la sellette et moi je vais la sauver. Enfin, je vais essayer. Et j'aurai une info sur Sophie d'avant. J'ai vu ton info et moi j'ai une autre info sur elle encore. En love? Ouais. Non, c'est pas en love, c'est encore une autre info que je donnerai plus tard dans l'émission. Tout ça se passe juste après le journal des bonnes nouvelles. Il est 8h03. Bon réveil tout le monde. Bonjour à tous, les robots auront bientôt leurs épreuves olympiques en 2020 au Japon, pendant que les athlètes en chair et en os s'affronteront à Tokyo pour les Jeux d'été. Le lieu et les dates n'ont pas encore été arrêtés, mais le ministère a déjà lancé des appels à candidature dans les villes du Japon, pays à la pointe de la robotique. Ces dernières années, les Japonais ont par exemple envoyé un robot doué de la parole pour tenir conversation à leur spationaute Koichi Wakata, dans le but de voir comment cet automate pouvait servir de compagnon à des personnes isolées. Des robots ont aussi été utilisés comme commis de cuisine ou ouvriers agricoles pour pallier le manque de main d'œuvre face au rapide vieillissement de la population. Le gouvernement espère attirer l'élite automatisée du monde entier pour cet événement 2020. La même année, à partir de fin juillet, la mégapole nippone organise les Jeux Olympiques d'été, comme elle l'avait fait en 1964. Ils seront suivis par les Jeux Paralympiques. Si l'envie soudaine de déguster une pomme ou un autre fruit quand vous êtes dans la rue vous prend, vous pourrez à l'avenir aller cueillir à deux pas de chez vous au lieu de l'acheter dans le commerce. Il existe en effet une carte collaborative qui géolocalise les arbres fruitiers et les plantes comestibles dans nos villes. En gros, un Google Maps pour grignoter sans frais. À l'origine du projet, trois étudiants américains, adeptes de la récupération de nourriture. Cette carte est aujourd'hui consultée par près de 700 000 personnes dans le monde, dont seulement la moitié aux États-Unis. Elle a répertorié les arbres fruitiers de plus de 2300 villes dans 70 pays. En France, pas moins de 9 000 arbres sont inscrits, disponibles en 8 langues, dont le français. L'application permet aux utilisateurs d'ajouter leur propre découverte avec photos à l'appui, position GPS et lien vers une fiche Wikipédia décrivant la plante et ses usages. On espère qu'elle sera bientôt utilisable chez nous. Alors que les rocades du monde entier s'engorgent quotidiennement à cause de la densité du trafic, la pollution urbaine atteint fréquemment de dangereux sommets. Face aux problèmes majeurs engendrés par la congestion automobile, Séoul s'est engagé dans un urbanisme plus respectueux de l'environnement en réaménageant ses autoroutes aériennes. Le projet d'une agence néerlandaise a finalement été retenu. Ces urbanistes ont proposé de transformer une structure haute de 17 mètres en un jardin botanique aérien. Seuls les piétons y sont admis. Ils pourront admirer plus de 250 espèces de fleurs, d'arbustes et d'arbres classés selon l'alphabet coréen, à la manière d'une bibliothèque florale. Les détails détracteurs de ce projet l'accusent de catalyser la congestion automobile. Une étude menée par des Britanniques en 2002 semble leur donner tort. Cette dernière affirme que la flexibilité des usagers et leur capacité d'adaptation permet de réduire considérablement le trafic automobile. Les habitants privilégient d'autres moyens de transport, à l'image du métropolitain ou des bus, dès que les voies qu'ils empruntent habituellement sont impraticables. Si vous êtes bricoleur mais que vous manquez de méthode, deux jeunes Français viennent de créer pour vous une plateforme collaborative qui vous explique comment tout fabriquer. L'idée des deux compères, c'est de créer le Wikipédia du bricolage. Cette nouvelle plateforme collaborative permet désormais de partager des tutoriels gratuitement sur Internet. On y trouve de tout, des plans pour bâtir une chaise de jardin jusqu'à ceux d'un tracteur à pédales, en passant par des conseils pratiques pour poser du parquet chez soi. Leur site est à but non lucratif, utile, pratique, et tout comme le principe de Wikipédia, participatif pour que chacun puisse l'améliorer. On termine avec un point sur la météo pour vous dire que le temps sera variable ce week-end avec parfois quelques averses. Il fera toutefois majoritairement sec et le ciel se partagera entre des éclaircies et les périodes plus sombres. Le thermomètre baissera progressivement pour se fixer entre 9 et 13 degrés à partir de ce dimanche. Belle journée avec nous sur Fun Radio. Et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. C'est bon, on est debout, le petit déjeuner est prêt, tant mieux. Allez, pour la suite du son dance floor, DJ Snake, Justin Bieber. Et là, on va râler et on va lover. Moi, j'ai lové sur une annonce qui circule sur Facebook en ce moment. Le Charlie Rocket City Hotel de Bruges recherche activement le propriétaire de quelque chose. Tu sais quoi, Kaufman ? Oui. Ah, tu sais, tu connais l'info? Bah, je l'ai lu, ouais. Ah, tu l'as lu? Bah, c'est un dentier qui a été retrouvé sur le comptoir du bar de l'auberge de jeunesse vendredi dernier. Et pour ce faire, ils ont mis une annonce sur Facebook, là, l'hôtel, pour rechercher le propriétaire. Et il faut vraiment s'activer, hein. Ils ont dit, il faut se manifester dans les plus brefs délais. Donc, quelle taille, le dentier? Kaufman, si tu pouvais appeler. Bah, c'est pour ça que je te demande la taille. T'es un 32,5. Ouais, 32,5, c'est ça, c'est toi? C'est ma taille. Appelle vite, hein, parce que là, ils sont en train de rechercher depuis une semaine, ils sont en galère, hein. Ok. Je viens changer. De rechange pour râler, toi, vas-y. D'accord, je vais râler parce que on lui a tout pris. On lui a pris son émission l'année dernière. Ouais. Sophie Davant était censée revenir le samedi dans une émission qui devait s'appeler Ça mérite qu'on en parle. Mais quand je dis devait s'appeler, puisque elle ne verra finalement pas le jour, c'est un nouveau revers professionnel, hein, pour celle qui a commencé par la météo, on s'en souvient, et qui a gravi tous les échelons un par un sur France 2. Mais visiblement, Sophie Davant devient ce qu'on appelle la persona non grata, la personne dont on ne veut pas sur France 2. Bon, maintenant, on lui a promis qu'elle rebondirait. Ouais, parce que moi, j'ai une info sur elle. Ah. Elle va rebondir. Je te le dis qu'elle va rebondir. Je la donne pas tout de suite, hein, l'info. Mais ça a déjà été démenti, hein, pour la prochaine émission. Pour la mission que tu viens de citer, là. Il paraît qu'il faudra attendre 2017, voire 2018. Ouais, ton émission, c'est vrai qu'elle va pas exister. Non, mais la suivante, j'en ai entendu parler, mais il paraît qu'il va falloir attendre encore. Moi, je vais te donner l'info dans quelques minutes, pas tout de suite. D'ici 9h, là, je vais donner l'info. Et tu vas voir que je pense qu'elle est bonne, l'info. De toute façon, elle est toujours le matin, hein, sur France 2. Elle anime une émission. C'est au programme. Tous les matins, du lundi au vendredi. C'est juste avant Motus, tu vois. D'accord. C'est le programme Motus, les amours. Puis avant, il y a Sophie d'avant, tu vois. Tu as une vie passionnante. Dans quelques minutes, on va jouer. Combien ça coûte? On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Et oui, chaque week-end, chaque vendredi, chaque samedi et chaque dimanche, on vient avec des cadeaux. On a l'escarcelle qui est complètement remplie de jeux vidéo et de goodies jeux vidéo. Et voici DJ Snake, Let Me Love You sur Fun Radio. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. Project. Fun. Le son Dance Floor. Fun. I'm clumsy and my head's a mess, cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping up so big that it could burst. Been trying so hard not to let it show. Bienvenue sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 10h avec le son de The Parakeet. Et là, on va jouer au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête, le but c'est de retrouver à quoi correspond ce prix. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322, 1€ par message. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, jeux vidéo, goodies collector, Kaufman, toujours exactement, ça. Exactement, hein. On a tout ça pour vous. Alors le principe il est simple, hein. On va essayer de deviner, je vais essayer de deviner quel prix se cache derrière... Quel objet se cache derrière le prix. Vous nous envoyez vos réponses, vos propositions de réponse au 6322 pour 1€ le message. Et puis si vous répondez le premier, la bonne réponse, eh bien c'est gagné tout simplement. Ouais. Le prix du jour, 420€. Kaufman, tu poses. Je fais plaisir. Là, Kaufman, tu poses des questions pour aider les auditeurs. Vas-y. 423€. 420. 420€. Est-ce que c'est un objet d'ordre privé ou professionnel? Privé. Est-ce que c'est plutôt pour les petits ou pour les grands? Pour les petits. Pour les petits. Est-ce que tout le monde en a chez soi? Non. Est-ce que c'est un objet d'intérieur ou d'extérieur? D'extérieur. Pour 420€. 420€. Il me semblait bien. Ouais. Est-ce que c'est électrique? Non. C'est pas électrique? Non.

samedi matin, les amis. Le son Dance Floor continue. Craig David et Sigala. Et on était dans le combien 5 août, j'ai un prix en tête et le but c'est de retrouver l'objet. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Pour trouver l'objet, vous envoyez un SMS au 6322, c'est 1€ par message. Kaufman avait déjà commencé à poser des questions. Est-ce que tu peux résumer, Kaufman? En résumé, derrière les 420€, ouais. Pour l'instant, les questions utiles et posées sont: c'est un objet d'ordre privé, d'utilité privée. C'est ça. C'est un objet qui se trouve dehors. C'est un objet à destination des enfants. C'est un objet qui peut être coloré. C'est à peu près tout. Voilà, effectivement. Et donc, tu peux continuer à poser des questions, Kaufman. Est-ce que on peut glisser dedans? On peut glisser dedans. Non, on peut pas glisser dedans. C'est pas un toboggan. Non, ce n'est pas un toboggan. Allez-y, hein, 6322 pour envoyer la bonne réponse. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. La jeu vidéo, goodies collector, Kaufman, il a encore ramené ce matin des gros cartons avec plein de cadeaux à l'intérieur. Donc allez-y, 6322 pour envoyer votre bonne réponse. Et tu dis que c'est souvent dans les parcs. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est on peut monter à deux dessus? C'est pas conseillé, hein. D'accord. Est-ce que c'est plutôt pour les filles ou pour les garçons? pour les deux. Pour les deux. Pour les deux, d'accord. Ouais. Est-ce que il y en a différentes tailles? Différentes tailles, oui. Mais ça se résume toujours à la même forme, hein, à vrai dire. D'accord. Est-ce que on peut se balancer dessus? Oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, je dis oui. Je viens d'accord, de percer, hein. Bah, si c'est dans un parc, on peut se balancer ouais. dessus. Ah oui. Que c'est un objet pour les petits. Et pour savoir trouver, toi. On doit pousser la personne. On peut pousser la personne, effectivement, pour qu'elle. Elle balance, tout oui, simplement. Oui, ouais, je risque de pas dire le mot. Pour qu'elle balance, simplement. Allez-y, un 6322 pour envoyer la bonne réponse. On me dit un trampoline. Non, c'est pas la bonne réponse. On me dit une table de ping-pong. Non, on est loin de ça, loin de ça. Hein. Un baby-foot. Non, c'est pas ça non plus. Un but de football. C'est pas ça non plus. On m'a dit un portique. Je sais même pas ce que c'est, un portique. C'est quand tu passes dans les aéroports. Oui, pourquoi ça n'a rien à voir? Non, c'est pas ça du peut-être tout. Qu'il a un portique de sécurité dans son jardin, on sait jamais. Allez-y, hein, 6322 pour envoyer la bonne réponse. Il y a très peu de gens qui ont trouvé la bonne réponse au 6322. C'est vraiment le moment de jouer pour gagner plein de cadeaux, jeux vidéo, goodies, collector. Allez-y, hein, 6322€ par message. Ça commence par quelle lettre? On a quasiment dit, hein, la réponse un B. En plus. Ça commence mais par c'est un pas B. Un balancier. Non, c'est pas un balancier, mais c'est pas loin, tu vois. On change un peu la fin et hop, tu prends balancier, tu prends manoir. Tu mélanges les deux, t'as la bonne réponse. Oh là là, quel adorateur de la langue française celui-ci. Pop, je régale ce matin, je régale à 8h33, t'as vu ça? Allez-y, hein, 6322 pour envoyer la bonne réponse. Je vous laisse le temps de Calvin Harris, ça vous laisse à peu près 3 ou 4 minutes pour envoyer la bonne réponse au 6322. Et juste après, je prends un gagnant. Bonne chance, les amis. Partez vous éclater au concert de Martin Garrix en VIP à l'Amsterdam Dance Event grâce à Fun Radio. Yeah. Écoutez Fun Radio non-stop tout le week-end. Dès que vous entendez un titre de Martin Garrix, hey, what's up, this is Martin Garrix, soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. 1€ par message. Et partez faire la fiesta à deux avec transport et hôtel au live de Martin Garrix le 21 octobre à Amsterdam. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. The song dance floor. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go! Woo! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. It's the weekend, baby! Oui, weekend! Tous les week-ends, j'écoute Fun Radio! Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. I'm

Et c'est le moment de connaître la bonne réponse au combien ça coûte. Et pour ça, j'accueille Nathalie qui est avec nous. Salut Nathalie. Salut. Salut Nathalie, tout va bien de ton côté? Ça va, tout va bien. Tu nous appelles d'où? Tu as quel âge? J'appelle de Farciennes, j'ai 47 ans. D'accord, t'as une petite voix, qu'est-ce qui se passe? On peut t'aider? Il est 8h40. Non, ça va, il n'y a pas de soucis. Bah écoute, il est 8h40, moi j'entends voilà. Une petite voix, j'essaye de venir à la rescousse de Nathalie. Bon Nathalie, tu as joué avec nous au 63-22, il fallait trouver l'objet qui se cachait derrière le prix, à savoir 420 €. Tu nous envoyais une proposition par SMS, quelle était cette proposition s'il te plaît? Oui, c'était une balançoire. Une balançoire, on vérifie. Dance. Dance. Dance. Bravo. Bravo Nathalie. Bah c'est merci. Gagné. Tu aimes les jeux vidéo Nathalie? Bon, c'est pour mes enfants en fait. Ah bah écoute, on va leur faire plaisir, on va leur envoyer un petit t-shirt jeux vidéo, c'est pour nous, c'est cadeau. Et okay, voilà, merci, tu vas faire quoi aujourd'hui Nathalie? Je vais m'occuper à la maison. Tu vas t'occuper voilà. À la maison, quoi? Ouais. Tu vas écouter la musique, tu vas écouter Fun Radio, bien évidemment. Ouais, ça c'est sûr, tout le temps, ouais. Bon, très bien Nathalie, on te remercie en tout cas et on va te souhaiter une belle journée. Merci beaucoup. Belle journée Nathalie, ne raccroche surtout pas, hein. Prends tes coordonnées oui, en antenne, ok? Oui. Ça marche Nathalie, bisous bisous. Je la sentais un petit peu et un petit peu. Un petit peu quoi? Dans la lune Nathalie. Dans quelques minutes les jeux vidéo Kaufman. Et oui, on vous parle chaque samedi, chaque dimanche de jeux vidéo. Et là on vous parle de FIFA 17 qui vient de battre un record. Un record dans quelques secondes. Très bien, il y aura aussi des news télé. On va parler d'un acteur belge, de Sophie Davant et de France 2 qui bouscule tout. Tout ça, ça arrive juste après Kung sur Fun Radio. Avec Fun Radio, passez du rire au frisson et remportez vos séjours à Disneyland Paris pour fêter Halloween. Dès lundi, écoutez l'Happy Hour avec Audrey dès 17h et Fun Radio Connected avec Dylan dès 20h. Et partez frissonner de plaisir avec vos entrées ou des séjours pour 4 personnes à Disneyland Paris en m'envoyant Halloween par SMS au 6322. Un euro le message. Les cadeaux les plus magiques se gagnent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Comment bien manger quand... on a très envie de gibier. Ouh là là, le gibier, c'est très difficile à attraper ça. Oui, mais c'est très facile à cuisiner. Le gibier chez Deleuze est 100% sauvage et européen. Une viande d'une traçabilité irréprochable et toujours 100% fraîche puisque jamais congelée. Bref, de vraies saveurs d'automne en provenance directe du bois. Et les prix d'automne? Ils tombent comme les feuilles? Absolument. Jusqu'au 12 octobre, chez Deleuze, le steak de biche est à moins 15%. Deleuze, bien acheté, bien mangé. C'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. I'm gonna ride. Fun Radio. Le son Dance Floor. Allez, on prend son café avec Fun Radio et le son de Lost Frequencies qui débarque. Et là, on va vous donner quelques news télé. Patrick Ridremont, est-ce que tu connais Kaufman, cet acteur? Oui, c'est l'ex-mari de Virginie Elfira et qui revient dans une série sur la Une. Et effectivement, dans la série Emma, c'est le jeudi soir sur TF1. Il est aussi à l'affiche d'un film en ce moment. Le film s'appelle Radin et c'est avec Danny Boone. Et j'ai été le voir, c'est un très très bon film. Hein. Tu peux aller le voir, Kaufman. Ouais, Radin, vraiment excellent. Hein, avec Danny Boone et Patrick Ridremont. Autre news télé, les après-midi de France 2 vont changer très bientôt. Le directeur d'antenne s'est fait virer cette semaine et des changements sont prévus courant novembre si les audiences ne remontent pas. Amanda et Thomas Touroud, ça dit quelque chose ou pas, Kaufman? Oui, Thomas Touroud, je connais bien. Ah ouais, il a pas travaillé sur Canal Plus à un moment? Si, il a travaillé sur Canal. Mais ouais, voilà. Mais sauf que Amanda et Thomas Touroud, tu demandes à la plupart des gens, personne connaît ces deux prénoms quand même. Ça fait 3 mois qu'ils sont sur France 2, personne les connaît. Et normalement, ils vont se faire virer au mois de novembre, hein, fin novembre apparemment. À noter aussi que Sophie Davant, tu en as parlé tout à l'heure, va devenir la joker de Frédéric Lopez pour l'émission du début d'après-midi. Parce que Frédéric

Ils sont là, debout, en pleine forme. Ou presque. C'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Anywhere you want to go, I follow. Confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie. Ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris ton regard pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné. h 10h le week-end, le samedi et le dimanche, c'est que du fun avec le son de Galantis. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et oui, on est reparti pour une petite info jeux vidéo. Tout le monde sait que FIFA 17, c'est la bonne pioche, hein, que ce soit en Belgique ou dans le monde entier. Autrement dit, c'est un jeu qui se vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fonctionne bien cette année par rapport, toi qui es dirigeant de Smart Toys, tu peux savoir par rapport aux autres années. Ça fonctionne excessivement bien et ça fonctionne surtout bien au Royaume-Uni, où FIFA 17 vient de battre tous les records. Ah ouais. Le précédent record était détenu par FIFA 13, donc il y a 4 ans. Ouh. Là, il vient de battre son record. Et devine pourquoi ? Simplement parce qu'il y a eu l'arrivée d'un mode aventure mettant en avant la première ligue, autrement dit le championnat anglais, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, ouais, ouais. Et forcément, ça a contribué à la bonne forme de FIFA 17, qui est disponible, je le rappelle, depuis le 29 septembre dernier. Dans Belgique. Le mode aventure, on incarne un jeune joueur et on le fait progresser à travers une aventure. Ouais. Ça lie un petit peu les agents du football, le manager. Exactement. On peut jouer avec le joueur aussi. Ouais. On le fait progresser tout au long de sa vie. On le prend à 13 ans, non ? On le prend très jeune. Hein. Exactement, on le prend dès son plus jeune âge et puis on essaie de le faire progresser au plus haut niveau parce que le but, il est là, de le faire devenir soit un défenseur, soit un attaquant de renom que tout le monde va s'arracher puisque les transferts, eux aussi, seront de la partie. À noter qu'il y a aussi des modifications au niveau du gameplay. Autrement dit, de la maniabilité, on tire plus un corner comme on le tirait avant, on tire plus du tout les phases arrêtées comme on les tirait avant. Il y a quand même un peu de nouveauté dans FIFA 17. Et c'est le premier jeu en ce moment, c'est le top 1. Pour l'instant, c'est la meilleure vente de jeux vidéo en Belgique. C'est certifié, c'est garanti. Dans quelques minutes, destination web. Et oui, on s'intéresse également au web, on s'intéresse un petit peu à tout, on est des touches à tout ici. Et on parlera du virus qui a affecté Facebook. Hey, Kaufman, tu parles du virus ? Ouais, je sais pas, c'est ma langue qui fourre ce matin, mais c'est à force de voir ta tête. Range ta langue, s'il te plaît. Allez, voici Galantis, No Money. Bienvenue la famille, c'est que du fun. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. I ain't gonna run away. pour la dernière heure de l'émission. Ça va être la folie. La Grande Box Fun Radio, le Fun Game, le tu peux pas et le son Dance Floor, bien sûr, avec le duo Rihanna et Drake sur Fun Radio. Et aussi le web avec Hoffman. Et oui, on vous rapporte l'essentiel de l'information technologique, internet. Et là, on va s'intéresser au virus qui a contaminé Facebook. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, j'ai vu sur Messenger. Ouais, pour rappel, un virus a contaminé plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs à travers l'Europe en utilisant Facebook comme canal de diffusion. En fait, le virus utilisait l'identité de ses victimes pour partager des vidéos portant le prénom de sa victime, donc de l'interlocuteur, et utilisant sa photo sans son autorisation, qui mène en réalité, comme d'habitude, vers un site web qui n'existe pas, fictif, ouais, sur lequel on te demande en fait d'installer une extension. À partir de là, si tu as installé l'extension, c'est terminé. Là, vaut mieux directement changer ton password. Tu prends ton ordinateur à la poubelle. Allez, c'est bon, il est mort. Bah, presque. Il vaut mieux alors, dès lors, changer son Facebook, son mot de passe sur, ouais, Facebook. Et il faut peut-être même mieux recréer un compte, tellement le virus a été puissant. Il a été infecté des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Le nom du virus s'appelle Xik. J'ai trouvé ça mignon pour ma part. Xik. Xik. X-I-C. Ok, c'est Xik. C'est mignon, ça va. Et donc maintenant, le virus a l'air d'être sous contrôle. Facebook, okay, a réagi à temps en prévenant les utilisateurs et l'information a bien été diffusée sur les sites spécialisés. Par contre, si la mésaventure vous arrive, ne téléchargez sous aucun prétexte bien des sûr extensions qui ne sont pas vérifiées par votre ordinateur. C'est un bon conseil qu'on vous donne dans C'est que du fun. Moi, je n'ai pas reçu le virus Kaufman. Hein. En même temps, tu me l'as pas envoyé. En même temps, si tu avais des amis sur Facebook, ça saurait aussi. Oui, c'est vrai. Également. Allez, dans quelques minutes, on vous explique comment s'inscrire à la Grande Box Fun Radio. La Grande Box, il y a 6 places pour le parc Astérix, 2 places de cinéma, des goodies, jeux vidéo et une journée pour deux au terme de Greenbergen. Comment les gagner? Parce que ça va peut-être être gagné avant 10h, Kaufman. Tabernacle. Tabernacle, pourquoi? Mais parce qu'il est canadien, Drake. Ah oui, Drake et Rihanna, too good sur Fun Radio. Bon samedi matin, les amis. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience last night. I got high as the expectations last night. I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as the expectation. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. Can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you, from you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Was gonna give you these flowers tonight. Was gonna ask you to stay. Practice all that I would say it just right. But now there are no words to say. I watch you kiss him softly, the same way you kiss me. I scream, what am I gonna do it forever now? Tell me, what am I gonna do it forever now? Oh, all the plans we made don't work if you're not around. Si vous êtes sur la route, le son dance floor continue avec Mo. Et la grande box Fun Radio arrive dans quelques minutes avant 10h. On va appeler quelqu'un pour gagner la grande box Fun Radio. La grande box Fun Radio, elle contient 6 places pour le parc Astérix, des goodies de jeux vidéo, 2 places de cinéma et une journée détente au terme Grimbergen pour 2 personnes. comment faire pour gagner la box Fun Radio. Vous allez sur la page C'est que du fun sur Facebook, hein, vous connectez, vous tapez dans la barre de recherche C'est que du fun, vous rejoignez déjà les 20 000 fans hein, qui nous font le plaisir, l'amitié d'y être, puisque vous êtes déjà 20 000, oui, c'est merci. Merci à vous. Bon, bref, vous laissez un petit message en privé. J'insiste, ouais. En privé, dans lequel vous indiquez votre numéro de téléphone, votre prénom, votre nom. De là, la participation est validée. Je répète, vous allez sur C'est que du fun, la page Facebook. Vous laissez un message privé contenant votre numéro de téléphone, votre prénom, votre nom. Ensuite, avec un peu de chance, on vous rappelle, ouais. On vous pose une et une seule question. Qui vous offre le plus de cadeaux? Vous répondez à cette question Fun Radio. Et tous les cadeaux que David vient de vous donner sont à vous. Effectivement, c'est à vous. Donc allez-y, allez sur la page C'est que du fun. C'est important d'envoyer votre numéro parce qu'avant on appelait au hasard en Belgique. Hein. Depuis oui. un bon mois maintenant, on appelait au hasard en Belgique. Là, on a envie de vous offrir la box Fun Radio. Elle est vraiment, c'est une grosse box Fun Radio en plus cette semaine. Elle va donc, peut-être tomber aujourd'hui. Ah ouais, en elle fait. Peut tomber aujourd'hui. Donc allez-y, allez sur la page C'est que du fun. Envoyez votre numéro en privé. Il y en a plein hein, qui ont déjà envoyé leur numéro en privé. Vas-y, allez, continuez à envoyer votre numéro. Ça peut tomber chez vous vraiment parce que là, il y a une grande chance pour vous de gagner. Parce que voilà, faut écouter la radio pour savoir qu'il faut s'inscrire sur la page C'est que du fun. Donc voilà, ouais. Vous pouvez y aller. Enfin, moi, envoyer votre numéro. Hein. J'imagine déjà ce que je ferais avec les 6 places pour aller à Astérix. Tu ferais quoi, toi? Ah, j'emmène toute ma petite famille à Astérix au parc, hein, histoire de voir Astérix, Obélix, le druide Panoramix. Au terme de Grimbergen, là, je me la joue tranquille, j'y vais tout seul. Hein, je vais me relaxer. Massage, sauna. C'est pour deux personnes, hein. Donc tu peux emmener quelqu'un. Ah oui, j'y vais deux fois. Ok, tu peux y aller deux fois aussi. Il n'y a pas de souci. Après les goodies jeux vidéo, bah, tu connais, hein, tu t'en sers forcément. Oui, là, je te les laisse par contre. Et deux places de cinéma. Il y a des bons films en plus en ce moment à l'affiche. Donc voilà, il y a plein de beaux cadeaux. 6 places pour Astérix, c'est quand même un énorme cadeau, ça déjà. Rien que ça. 6 places pour Astérix, c'est énorme. Des goodies jeux vidéo, deux places de cinéma, une journée détente au Tam Grimbergen pour des personnes. Vous allez sur la page, c'est que du fun. Vous envoyez votre numéro de téléphone. J'ai vu que Denis l'avait envoyé, Jordan l'a envoyé, Samuel l'a envoyé. On a également Raja qui a envoyé, Roxane qui a envoyé, Alexandra, Delphine, allez-y. La page C'est que du fun, envoyez votre numéro en sur privé. Sur Facebook, ouais. Ouais, sur Facebook, excusez-moi, j'ai pas précisé, effectivement, la page c'est sur Facebook. Pour la suite de l'émission, il y aura le Fun Game, Kaufman. Oui, on a enfin une date de sortie pour Mass Effect Andromeda. Il y aura aussi le Tu peux ou tu peux pas, Kaufman, il est très très fort à jeu là. Vous allez aussi pouvoir jouer au 30-44 et il y a le son de Mo qui débarque sur Fun Radio. Le plus impatient des réseaux présente. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Non mais tu l'entends l'autre là, il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. C'est encore moi, Hip, prêt à découvrir des promotions phénoménales? Alors les offres de génie de votre hypermarché Carrefour sont faites pour vous! Jusqu'à ce soir, à l'achat de 2 pots de Nutella de 825 grammes, bam! Le 3e est gratuit! On n'a jamais vu ça! Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Le plus impatient des réseaux présente. Attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Maintenant, ce sont les jours fous chez MediaMart. Ils deviennent complètement dingues. Achetez un PC portable et vous pourriez avoir la chance de faire partie des 300 gagnants à être intégralement remboursé. C'est totalement dément. Conditions dans nos magasins et sur MediaMart.be. MediaMart, je ne suis pas fou. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Tant mieux, ça m'arrange. Ma petite blague. Alors, comment appelle-t-on un cheval sourd? On ne l'appelle pas, on va le chercher. Ah oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 500 000 euros à gagner. Ah, et là, si vous gagnez le jackpot, ben j'arrête, je l'ai promis. Merci loto. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon, le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 € avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Fun Radio. Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying

Dans quelques secondes, le jeu du tu peux ou tu peux pas arrive sur Fun Radio. New music, découverte Fun Radio. Juste après la nouveauté Major Lazer et Showtech. Tu connais Kaufman ou pas ce son? Ouais, Major Lazer, j'adore. Ce son là, tu connais? Ah oui, c'est le son Fun Radio, c'est tout le son Fun Radio. Effectivement, c'est une nouveauté qu'on vous propose, Major Lazer, Showtech, avec le titre Believer. 9h28, on est en direct jusqu'à 10h. C'est que du fun sur Fun Radio. Kaufman n'arrête pas de danser sur ce son. Ah ouais, mon Kaufman, calme-toi un petit peu, hein. Il n'arrête pas de me déhancher, tu veux dire. La suite du son d'Explore avec Ken Jones. Et c'est le moment de jouer au tu peux ou tu peux pas. Je donne des affirmations et à vous de me dire au 30 44 50 centimes par message si on peut ou si on peut pas. Kaufman va également répondre. T'es oui. Prêt, Kaufman? Oui, bien sûr. Mordre quelqu'un en Louisiane, tu peux ou tu peux pas? Tu peux pas. Et si tu peux, c'est légal. On peut mordre quelqu'un en Louisiane. Eh oui. Ah ouais. Mordre quelqu'un si tu as un dentier, toujours en Louisiane, tu peux ou tu peux pas? Tu peux pas. Et là, tu peux pas, non? Si t'as un dentier, tu peux pas. Bah, c'est pour ça que je le savais, moi. Enlever tes pansements en public au Canada. Tu peux ou tu peux pas? Enlever ses pansements en public, au ouais. Canada. Alors? Ah, je dirais que tu peux pas. Ouais, tu peux pas. La loi l'interdit, effectivement. Posséder une chèvre albinos à Hawaï.

No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dog. Then she said, ça passe. And I said, na boulet. No matter where I go, go. You know I love them all. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. The old man Santiago didn't catch a fish for days. He returned unhappy and was pretty damn ashamed. He tells his grandson Manolin about this wildlife noob. Manolin thinks to himself, this is grandpa's groove. On nous dit une mangouste, c'est un petit castor. Et oui, ce n'est pas un crustacé, Kaufman. Ouais, mais j'ai compris langouste, moi. Et il faut changer les oreilles, là. Il faut se nettoyer, ouais, le matin. Il faut surtout que tu apprennes à articuler, ça nous fera des vacances. Allez, Soprano qui débarque dans quelques secondes. Hey. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on va terminer par une nouvelle simple, efficace, mais une exclusivité qu'on a réussi à vous obtenir. Le jeu d'action de rôle dans lequel il faut faire des choix. La série, la saga Mass Effect reviendra avec un nouvel épisode, Mass Effect Andromeda. Et on a trouvé la date de sortie. Il s'agit, notez-le bien, du 21 mars 2017. C'est en tout cas ce que laisse penser une fuite tirée de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'il y a, Kaufman? Ah, j'ai mal au dos depuis ce matin, c'est infernal. J'ai jamais vu ça. Le mec qui fait sa news vidéo. Ah, en plus, il doit t'y dire, lui. Il peut pas rester un petit peu hors antenne. Et c'est pas grave, ça ira mieux demain. Ça va, Kaufman? Oui, oui, ça va. T'es en pleine forme, ça va? En pleine forme. Ok, tranquille, Kaufman, merci pour l'info. Jeux vidéo, dans quelques minutes, on vous parle de la grande box Fun Radio. Il y a aussi Soprano qui est en feu, un peu comme le dos de Kaufman. Il est en feu en ce moment, le dos de Kaufman. Bienvenue, les amis. Comment? Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List. Yes! Sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor.

C'est le moment de la grande box Fun Radio Kaufman. T'es chaud, t'es prêt? Bah oui, on appelle. On va appeler dans la grande box Fun Radio 6 places pour le parc Astérix, des goodies jeux vidéo, 2 places de cinéma, une journée détente au terme Grimbergen pour 2 personnes. Kaufman, comme chaque semaine, je te demande de choisir un numéro entre 1 et 4. La 3. Choisis la ligne 3. Oui. Ok, c'est du numéro totalement au hasard. Hein. On rigole pas avec le hasard. C'est parti, on appelle la ligne 3 alors. Bah, je croise les doigts. Il faut répondre Fun Radio à la question: quelle radio t'offre le plus de cadeaux? C'est important. Allez, oui, ça va sonner. C'est parti. 9h59 en direct sur Fun Radio. Ça sonne. Et juste après, c'est Anto qui prend le relais pour le son Dance Floor jusqu'à 14h. Effectivement. Allez. Faut répondre là. La personne a envoyé son numéro sur la page Facebook, c'est que du fun. Hein. Oui. Elle répond pas là, c'est dommage. Oui. Non, c'est dommage là. Bah, ça sera remis pour demain. C'est ouais, mais c'est dommage quand même. Allez. Gérald. Ah, oh, il est pas là, Gérald. Il n'est pas disponible pour le moment. Ah, c'est perdu pour Gérald. Bah oui, bah, c'est remis pour demain alors, Kaufman. Hein. Exactement. On se retrouve de toute manière demain. Bien sûr. 7h-10h pour C'est que du fun, les amis. Ouais, et là, on vous laisse avec Anto. Ça va, Anto? Mais comme c'est pas gagné, encore une fois, je dis, je veux bien le cadeau, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et je pense que pourquoi pas partir à 3 au terme de Grimbergen, ça pourrait être sympa, non? Ouais, ah, oui, on a que 2 places. Hein, donc les, les gens veulent pas partir, alors tant qu'on y a et nous. En tout cas, le week-end va commencer doucement, David, effectivement, parce que vous êtes certainement blotti au fond de votre couette chez vous à la maison, en train de profiter, bah, je sais pas, de la chaleur de votre maison. Bon, on va passer une bonne